Cadavre, c'était l'époux de Juliette. Voyez-vous ce corps étendu sur la terre? C'était la femme, hélas, de Roméo. C'est moi qui les ai mariés. Mariés! Oui, je dois l'avouer. J'y voyais le gage salutaire d'une amitié future entre vos deux maisons. Mais vous avez repris la guerre de famille pour fuir un autre humain, la malheureuse fille. Désespoir à me trouver, vous seul, s'écria-t-elle, auriez pu me sauver, je n'ai plus qu'à mourir. Dans ce péril extrême, je lui fis prendre afin de conjurer le sang, un breuvage. Le soir même, lui prêta la pâleur et le froid de la mort. Et je venais sans crainte ici la secourir, mais Roméo trompé dans la funèbre enceinte m'avait devancé pour mourir sur le corps sa bien-aimée. Et presque à son réveil, Juliette informée de cette mort qu'il porte en son sein dévasté, du fer Roméo c'était contre l'armée. Thank you. Grand Dieu, Turn!